Chapitre 7e. Après le départ d'Horace, le prince avait fait monter son bagage dans le cabinet qui lui était donné sous les toits, mais il avait voulu que les malles de sa sœur et de sa nièce restassent dans le vestibule de l'hôtel. Avant de s'installer dans la salle à manger du colonel, il fallait attendre le retour de celui-ci. Il était convenable de lui demander cette chambre. Seulement, en même temps, il était bon de le mettre dans l'impossibilité de la refuser. Où coucheraient la comtesse et Carmelita ? Devant une pareille question, la réponse ne pouvait pas être douteuse. C'était donc en costume de voyage que la comtesse et Carmelita avaient dîné à table d'hôte, où leur présence avait fait sensation. Car, bien entendu, le prince Mazzazzoli, la comtesse Belmonte et Carmelita étaient connus de la famille Ratignelle aussi bien que le colonel. Comment ? C'était pour attendre la belle Carmelita que le colonel Chamberlain était resté en Suisse. Ce n'était donc pas Madame de Lucilière qui abandonnait le colonel. C'était le colonel qui abandonnait Madame de Lucilière. Alors le colonel épousait la belle Italienne. Quelle histoire ! Et après le dîner, on s'était réunis pour discuter cette aventure. Quel était ce prince Mazzazzoli ? La famille Ratignelle avait l'adoration de tout ce qui appartenait au grand monde parisien. Dès lors qu'on faisait partie de ce monde, on devenait un personnage digne d'envie. On pouvait avoir une réputation plus ou moins douteuse, cela importait peu, on n'en était pas moins au-dessus du commun des mortels. Ce que Mademoiselle de Ratignelle raconta sur le prince Mazzazzoli et sa nièce, la belle Carmelita, fut donc inspiré par ce sentiment religieux. Le prince, un grand seigneur italien. Carmelita, une merveille de beauté. Elle avait fait sensation au bal des Tuileries, les journaux parlaient d'elle, c'était Faugerolles qui l'habillait. Que dire de plus ? Pendant qu'on s'occupait ainsi d'eux, le prince avec sa sœur et sa nièce s'était installé pour prendre des glaces autour d'une petite table devant l'entrée de l'hôtel, de manière qu'il fut impossible au colonel de rentrer sans qu'ils le vissent. Ceux qui les observaient curieusement remarquaient que le prince manifestait une certaine impatience. De temps en temps, il se levait et regardait au loin, puis, en se rasseyant, il tambourinait avec ses doigts sur la table placée devant lui. La comtesse était absorbée dans la dégustation d'une glace aux fraises, et la belle Carmelita, impassible sur sa chaise, le visage calme et froid, semblait indifférente à tout ce qui l'entourait, chose aussi bien que Jean. Elle n'avait pas un regard pour le lac, à moitié noyé dans l'ombre, pas plus qu'elle n'en avait pour les pensionnaires de l'hôtel, qui attachaient leurs yeux sur elle. Quand son oncle ou sa mère lui parlait, elle répondait par un léger signe de tête ou par un seul mot. Cependant, le colonel Chamberlain, suivi d'Horace, avait paru au bout du chemin qui de la montagne vient à l'hôtel. En l'apercevant, le prince Mazzazzoli se leva vivement et courut au-devant de lui. Jamais accueil ne fut plus chaleureux. Le colonel, au contraire, se montra assez froid. Cependant, il s'était avancé vers la table, autour de laquelle la comtesse Belmonte et Carmelita étaient restées assises. L'accueil de la comtesse fut aussi démonstratif que l'avait été celui de son frère. Pour Carmelita, elle se contenta de tendre la main au colonel et de poser sur lui ses grands yeux, qui s'étaient éclairés d'une flamme rapide. Mais ce n'était pas seulement pour avoir le plaisir de serrer la main de ce cher colonel que le prince Mazzazzoli attendait son retour avec impatience. Il avait une demande à lui adresser, une prière, la plus importune, la plus inconvenante, mais qui lui était imposée par la nécessité. « Je sais par Horace de quoi il s'agit, » interrompit le colonel, « et je suis heureux de mettre deux de mes chambres à la disposition de ces dames. Je regrette seulement que vous n'en ayez pas déjà pris possession en m'attendant, car vous deviez bien penser que je m'empresserais de vous les offrir. » Et comme le prince se confondait en excuses en même temps qu'en remerciements, le colonel l'interrompit de nouveau. « Je vous assure que vous ne me devez pas tant de reconnaissance. Au reste, le sacrifice que je vous fais est bien petit, et je regrette même que les circonstances le rendent même si insignifiant. »« Pour nous, il est considérable, » répondit la comtesse. « Pour moi, c'est en me plaçant à mon point de vue que je parle, » continua le colonel. « Il n'en est pas moins vrai que pour nous, vous vous privez de vos chambres, » dit Carmelita. « Pour une nuit. »« Comment pour une nuit ?» s'écria le prince. « Je pars demain soir. » Vous partez demain ? Ces deux exclamations échappèrent en même temps au prince et à la comtesse. Quant à Carmelita, elle ne dit rien, mais elle attacha sur le colonel un long regard qui fit baisser les yeux à celui-ci. Pour échapper à l'embarras que ce regard de Carmelita lui causait, Il se jeta dans des explications sur son départ, arrêté depuis longtemps, dit-il, et qui ne pouvait être différé. Si, au lieu de tenir les yeux baissés en parlant, il les avait levés, il aurait pu voir que le prince lançait un coup d'œil à sa sœur et à sa nièce pour leur imposer silence. Les paroles, qui semblaient prêtes à sortir de leurs lèvres, s'arrêtèrent, et le prince lui-même n'ajouta pas un mot à son exclamation qui lui avait échappé sous le coup de la surprise. Puis presque aussitôt, prétextant la fatigue, il demanda au colonel la permission de conduire la comtesse à sa chambre. Dans son état, elle avait besoin des plus grands ménagements. Et tout bas, il dit au colonel que la pauvre femme était bien mal et qu'un excès de fatigue pouvait la tuer. En montant l'escalier, il prit le bras de la comtesse, et plusieurs fois il tourna la tête vers le colonel qui venait derrière lui avec Carmelita, comme pour lui faire remarquer combien était faible la comtesse. Il était impossible de montrer plus de tendresse et plus de sollicitude. Il était le meilleur des frères. S'il n'avait pas été prévenu, le colonel n'aurait pas remarqué le plus léger changement dans la comtesse. Elle paraissait être aujourd'hui dans l'état où il l'avait quittée à Paris, ni plus faible ni plus forte. Cependant, ses soins de la part d'un homme comme le prince, ordinairement peu tendre aux autres, indiquaient une situation grave. Aussi, de peur de la déranger par le bruit, ne se fit-il pas servir à dîner dans sa chambre. Pour la première fois depuis qu'il était à l'hôtel, il descendit dans la salle à manger. C'était la première et ce sera la dernière, car il était bien décidé à partir le lendemain, comme il l'avait annoncé. Où irait-il? Ce qu'il voulait, c'était la solitude. Et au Diableret, à Champéry, au Val d'Anniviers, au Col du Yor, dans l'Engadine, il la trouverait sans doute plus facilement qu'au Glion. En tout cas, si cette solitude n'était point absolue, il serait là avec des inconnus, dont il ne poindrait point souci, pas plus qu'il ne l'avait pris en rencontrant les regards curieux des pensionnaires du Rigis. Ce qu'il voulait, c'était n'être point exposé à rencontrer 10 fois, 20 fois par jour, le prince Mazzazzoli ou Carmelita. Car en les apercevant, ce n'était point eux qu'il voyait, c'était Henriette.